La descente. La face qui porte portail Saint-Joseph là. Oui, ça relève, oui. Des remparts. Chauffeur bus cafou qu'on a viré. Oui, ça relève. Oui. Traversier. Mais, il y a l'autre nom encore. Il y a un bali. Il y a longtemps. Il y a tout petit. Il y a des grandes maps. Il y a les lits. Oui. Catescalin. Même pas ou l'imé ou y'a dit foncé, dit foncé. Mais des automobiles qui sortent en bas non rue de Miracle pour le Canada qui a pris les bouteilles. Mais puisque je fais quand même lumière rouge, il met le balumier vert, donc il y a une droite passage avec qui mon alpha collision avec chauffeur quand même quoi. Go! Je vais quand même quoi des bons coups, bretelles, bretelles détachées sur quand même sous tomber dans le ciment. L'aime tout ça, saucisse gaillée, saucisse voltigée, saucisse volée. L'aime d'où ça, hey. Mes grosses saucissio, mes longues saucissio. Saucisse. Aïe. Mais, des bonnes femmes, malheureuses avec, qui déchita en bas galerie bata. Quand on est machin de pistache, machin de surette, on chita. Femme n'a fait le pas bon. Mais l'homme on passe au bal 10 centimes, 20 centimes, 25 centimes, il est bien content. Mais pendant que la détache, c'est quand même tombé dans le ciment, son sous la voltige à gauche à droite. Mais gros son saucisse, mais long gros saucisse, quand tombe dans l'estomac malheureuse là. Malheureuse là. Pour bagaille ça tombe dans l'estomac, moi. Si tout le monde pas mourir, mes chauffeurs a mourir. Femme dodo, pense mon chéri, pense mami. Femme dodo, chéri. Femme dodo, pense mami, pense mon chéri. Femme dodo, pense mami, pense mon chéri. Regardez donc, monsieur jeune garçon, cap marché remè, prends précaution, c'est assez une petite moune dans la rue, ou à cause avec vous. Alors, par contre, quelques filles français marron gagnent, ou tombe pas la timoun, chéri, pourquoi tu t'es loin, tu caches, tu tombes de la détresse, comment nous c'est ribaka, vous comprenez? Comme a bien comprendre non li bien tande ou li di ou c'est pour ka maman li prend ti men ou menen ou al ka la mer do vi ka la mer ou ko sa la mer ou son nom enfin ou bon ti jan bagay ou comprendre la mer accepté ou mais la mer avisé ou li tout de pourtant doit venir la caille c'est vin à 7h pour sortir à 8h oh j'ai commencé vin chita pas la ménage pas la ménage bonjour chita m'a posé ak ménage. Je viens pour grand monde, non? Alors, comment arrive encore? Ou depuis le début de ça encore? Pour grand monde, l'entend mon système. Lorsqu'il y a un porte, ça va pas la peine à jouer. Il y a un porte en face pour la contrôler. Donc on va qu'être un pour bon pour faire rien du tout. Mais un jour, quand on a posé la pénalité, des 20 pour grand monde, non. Des 20 pour qui comme ça. Chance pour monsieur. Donc on va faire blackout. Avec les gens, pas les gens. Pendant ce temps-là, monsieur, tout profiter. Pointi bouche met dans bouche comme elle pour la braler ti la skaoul. Et puis le pointi met dans le stomac comme elle a pesé des sangs. Nous comprenons nous déjà pour la dactylographie. Allez nous ça. Pas la vie trop bon pour monsieur. Allez qu'il est, Roman. Trop bon monsieur. Allez qu'il est. Monsieur tombe à faire jalousie. Ça lié parce que mon qui vient demander un sermon dans le calabre. Tu comme elle parle avec lui. Ça seulement monsieur tombe à faire jalousie. Mais c'est pas sérieux. Qui jalouse ou me pouvez? Qui mêle ou? Qui met le monsieur Joseph avec Etel a dégagé, il passe par là, ça va garder ou on va venir pour marier. Tout simplement, vin dans la c'est pour tirer, si parti pas ou pour aller. Maman, ça va garder ou que ne pas pour entrer là-dedans. Et pour nous, nous avons vraiment avec vous, une série de mots pour des filles, que ça pour pas des filles. Parce que c'est un petit mot qu'on s'en va des filles ou un petit filles. Qui sont comme j'arrive des filles? Chérie. Chérie. Combien a-t-il de caoutchouc pompe? Qui a été usé votre jardin? Mais que des questions pas faites pour vos filles, ça va garder. Sous un camarade là, toute la journée la bambouche, ça va garder. Tout simplement mourir pour l'eau, pour être petit parti pas pour aller. Comment on n'a question pas pour vos filles? Oh oui, chérie, combien a-t-il de caoutchouc pompe qui a été usé votre jardin? C'est pas sérieux, c'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Femme dodo. Troisième trimestre. Regardez non. Ouais, Mazon Belle. Gain deux qualités de Mazon Belle. Bon, Mazon Belle blanc. Il y a un petit tacté violette là-dedans. Mazon Belle, ça vient de manger depuis jeudi à bouger demain matin. Ou pas que j'en gagne. Bon, l'autre Mazon Belle qui gon couleur brique. Ça même c'est porté présenté. Sous fait trois jours à manger, regardez non. On qui j'en a fini. On a fini même avec tête moins. On a fini comme on a vu à son soir. Ah. Et puis on l'a barré encore. Monsieur. Monsieur Pontifi a mené en balle. En prenne. Les balles là préfini. Sans quoi dit comme ça. Au chéri. Pour m'emmener non en bas, nous bien danser, nous bien manger, nous bien boire. Pour la wap sorti, m'a sorti tout. Wap courir, m'a bourri tout. Wap saut tomber. M'a tombé sur eux, m'a fait comme ça. Wap fait comme ça tout. Raï ça, vous comprenez. Mais il semble que moi, mon petit Jean, quand on t'a donné au monde, quand petit Jean manqué. Fournitu. Même les articles m'a tombé crié, tu m'as demandé depuis l'audio. Ou après de mener ma balle, c'est la qualité qui soit posée. Mais je dois arriver à reposer même question encore. Sous mon bagage, vous dites, c'est vous dites, vous ne pouvez pas vous cacher. J'ai dit, chérie, bon, vous voulez nous la vérité, je vais tout bagaille. Venez, vous ne pouvez pas rien pour me cacher. Il ressemble que l'autre jour, pendant ma passe, mais sous vous, moi, on dit, j'ai un peu de monde, vous dites, j'ai manqué. Cheveux. Et puis là, tout écrit encore. Oh, ok. Vous me posez même question encore. Et depuis là, je vous fais tout bagaille. Je raconte tout bagaille. Si je dis, vous êtes capable de passer mes sous moi. Où est mon petit Jean? Jean, ouais, non. C'est ma maman qui a fait des bons manger ma zombelle. Femme dodo. Femme dodo. Femme dodo.